Pour écouter la jungle des luttes, donc vous êtes avec le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, comme tous les troisièmes lundis du mois, de 19h à 20h30 en direct et retransmis le quatrième jeudi du mois, le matin de le jeudi de 8h à 9h30. Et donc voilà, c'est la dernière émission de l'année. Bah, tout le monde le sait, hein, ça bouge en France, partout. Donc on parlera un petit peu des événements. On rappellera aussi ce qui se passe au Mexique, puisqu'au Mexique, ça bouge assez souvent, beaucoup, quand même très fort, avec des petites annonces et des petites nouvelles. Et donc, 106.3 FPPC, la jungle des luttes. On vous remercie de nous écouter. Comme d'habitude, on va mettre un petit morceau. Et donc, on sera ensuite avec La Conquête du Pain, boulangerie bio autogérée à Montreuil, qui donc a fait une petite journée de grève le 5 décembre, comme il se devait, et puis entre en grève de nouveau demain. Et donc, on va pouvoir vous en parler de manière à pouvoir échanger, peut-être aussi à vous inviter à vous mobiliser, à remplir les caisses de grève, etc. Puis le Mexique, la rencontre des femmes. On vous a parlé de cette rencontre, cette invitation à la deuxième rencontre internationale des femmes en lutte sur les territoires zapatistes à partir du 26 décembre. Et il y aura encore d'autres petites nouvelles. On vous tient au jus après la pause musicale. À tout de suite. La balle que me hiera será balle con alma. El alma de esa bala será como sería la canción de una rosa. Si las flores cantaran o el olor de un topacio, si las piedras olieran o la piel de una música, si nos fuese posible tocar a las canciones desnudas con las manos. Oh, oh, oh. FPP, la jungle des luttes, merci de nous écouter. Et ben voilà, peut-être que vous êtes en train de marcher, puisque évidemment il n'y a plus beaucoup de transport. Et donc on parlera de cette grève. On espère tous que vous soutenez ce mouvement. On vous rappelle qu'il faut être solidaire un peu partout, hein, dans tous les sens, avec les grévistes, aussi avec FPP, qui a comme d'habitude toujours encore des petits problèmes financiers. Donc écoutez la radio, soutenez-la quand il y a des événements. Donc voilà, 106.3 FPP. Vous pouvez aussi soutenir évidemment les peuples du Mexique en lutte et en résistance contre tout un tas de grands projets. On parle du train Maya au Chiapas, on vous en a parlé, donc on en reparle parce que du coup il y a énormément d'entreprises étrangères, enfin ou surtout énormément d'argent et donc d'intérêt pour des entreprises étrangères et nationales aussi. Et donc si vous voulez vous mobiliser sur ces grands projets, il y a tout un tas de luttes et de possibilités de se mobiliser si vous êtes plutôt loin, que vous nous écoutez de loin, hein, puisque sur Internet maintenant on peut aussi écouter FPP. Donc on vous rappelle qu'il y a plein d'événements et de luttes, et notamment si vous n'êtes pas loin du Chiapas, vous pouvez aller danser, passer un moment avec les compas, puisqu'ils ont invité, donc ça je vous le disais tout à l'heure, je le rappelle, s'il y a encore des femmes envie de partir, de se mobiliser et de partir donc à cette deuxième rencontre internationale des femmes qui luttent du 26 au 29 à Morelia, dans l'état du Chiapas, au sud du Mexique. Je pense que ça peut être un grand moment. Il y a déjà eu une rencontre l'année dernière, en 2018, donc il y a bientôt plutôt 2 ans, puisque c'était à l'occasion du 8 mars. Et donc, cette année, elles avaient prévu de le faire le 8 mars, mais ça a été annulé du fait d'un contexte, justement, d'une pression sur les communautés, avec donc ces grands projets, notamment le train Maya. Donc, on le répète, puisque ça touche tout le sud-est mexicain, la péninsule du Yucatan, et donc le train Maya, et donc cette zone qu'on peut dire Maya. Et donc, joignez-vous aussi donc, à ce festival qui se passe au Chiapas, un festival de danse ou d'art, si on peut dire. Bailate otro mundo. Donc, si vous voulez y aller, si vous nous écoutez de loin. Et voilà, on salue aussi la libération du compas Miguel Peralta, mais du nouveau compas libéré le 15, donc je crois bien, donc aujourd'hui ou hier, enfin très récemment, Ruiz, on le salue, lui qui avait 25 ans de prison, qu'on a fait déjà 12 pour des crimes évidemment qu'il a commis injustement. Il est au Chiapas, il fait partie du collectif des voix indigènes en résistance, une organisation des indigènes en prison, puisque quand on est d'une langue indigène, on est en général très facilement accusé de meurtre ou d'assassinat ou de crime qu'on n'a pas commis. On profite en général de l'analphabétisme des personnes, on leur fait signer des papiers et puis ils peuvent être du coup des dizaines d'années en prison, comme c'est le cas de ce copain, Ruiz. Tu vois, bon, c'est pas grave, c'est pas très important son nom. Mais c'est. Ah, puis donc, évidemment, ça, c'est dans les bonnes nouvelles. Donc, après, en même temps, il y a énormément de compas en prison. Hein. Donc, lui, il est libéré, mais il faut continuer à se battre pour tous les autres prisonniers encore incarcérés injustement. Et de surcroît pour des peines vraiment très, très, très, très lourdes. Enfin, et des années, ça se cumule. Donc, il y a des compas qui ont 50 ans de prison. Donc, c'est quand même du lourd. Donc, il faut se mobiliser à l'occasion. On salue également la mémoire du compas Gianfranco, pour ceux qui connaissent le Chiapas ou le Mexique, et Yabasta en Italie, un collectif qui a été très mobilisé et dont Gianfranco était une figure importante. Il est parti il y a peu de temps. Il n'est plus parmi nous, mais il sera toujours dans nos mémoires avec nous, à côté de nous dans les luttes. Et donc, on le salue. Salut, compas Gianfranco. On fait une petite pause musicale et puis on reviendra du coup sur nos territoires ici, là, Île-de-France et ailleurs. Ya llegó su pachucote. ¡Ah! Ouais, Pépé, la jungle des luttes, donc programme proposé par le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Et c'est la jungle des luttes, donc notre objectif c'est aussi de croiser toutes ces luttes. Bon, pour faire court, on va dire en bas à gauche, on finit par le comprendre un peu ce que ça veut dire cette expression là qu'on reprend depuis quelques années, que les compas sont lancés, qui nous correspond bien, en tous les cas celles qui sont voilà, en bas, hein, ça comprend pas le pouvoir, et puis... à gauche, anticapitaliste, donc voilà, les gens qui sont en bas et qui sont ceux qui se font un peu défoncer à tous les niveaux, tout le temps, partout, au travail, ou quand t'es étranger, ou quand t'es une femme, etc. Donc voilà, on soutient et on donne l'espace de parole à des gens, des groupes, des collectifs, donc des invités qui viennent d'ici et d'ailleurs, de là, de loin. Et aujourd'hui, la conquête du pain. On aurait aimé être plus nombreux, mais finalement, y a plein de choses à faire. Donc, tout le monde ne peut pas être là, même si certains auraient bien voulu partager le micro avec nous. Alors, avec nous, parce que du coup, moi, je suis aussi à la conquête du pain. Donc, on peut... je fais partie du comité de solidarité, mais du coup, je travaille aussi à la conquête du pain. Il y a Julien qui est avec moi. Bonjour, bonsoir. Donc, du coup, on est tous les deux en boutique. Donc, ceux qui peut-être connaissent la conquête du pain, savent peut-être qui on est, puisque nous sommes les plus visibles. Après, on a tous nos autres collègues qui bossent. Et donc, au début décembre, on a décidé de faire grève, nous aussi, de se mobiliser en cette journée du 5 décembre. Pour marquer notre engagement aussi du côté des salariés qui défendent leur retraite, comme nous, on peut défendre la nôtre, même si ce n'est pas un objectif dans la vie quand on travaille de penser à notre retraite. Mais ça fait partie de nos droits qu'il faut défendre, puisqu'on grignote beaucoup, beaucoup dernièrement. Donc voilà, il y a une lutte qui s'installe, qui s'est installée, qui continue à grandir, à progresser. On sait que ce n'est pas seulement les retraites, tout le monde le répète, ce n'est pas seulement ceux des cheminots, ni de ceux qui seraient privilégiés, qui soient... Bon, on le sait, ça, on ne va pas répéter tout ça dans un premier temps. Ça, normalement, on devrait tous être d'accord. Et donc voilà, on s'est mobilisés, on a fait grève, dans le sens où on n'a pas produit comme habituellement. On n'a pas véritablement fermé la boutique, on a levé les rideaux et on a proposé du pain que des camarades de la boulange donc on fait. Donc ce n'était pas la boulangerie comme tous les jours, c'était quand même accessible. Et l'idée, c'était de pouvoir se rencontrer aussi avec les clients, avec d'autres collectifs, ouvrir cet espace, ouvrir l'espace pour pouvoir faire des sandwichs. Il y a des copains qui se sont proposés de faire des sandwichs pour pouvoir vendre les sandwichs avant le départ à la manif, de manière à remplir une caisse de grève. Une caisse de grève qu'on avait déjà débutée une semaine auparavant. Et bien sûr. Complémente. Donc, ouais, enfin, qu'on avait débuté une semaine auparavant et dont ce pain de service minimum, en gros, quoi, en fait, de la boulangerie, ce jour-là du 5 décembre, était destiné que à la caisse de grève. Donc, en fait, la grève au niveau de la conquête du pain, c'était pas on fermait les rideaux, mais c'était on ferme la caisse, enfin, la caisse officielle, quoi. Et on met ça à prix libre. Du coup, le pain, donc il y a des personnes qui ont pu laisser 10 balles dans la caisse, d'autres qui ont demandé à combien, parce que le prix libre, ça aussi, c'est tout un débat, c'est compliqué pour beaucoup de personnes. Donc l'objectif, c'était effectivement de pouvoir remplir cette caisse de grève en sachant que nous, dans un premier temps, on allait pouvoir assumer cette journée de grève financièrement, que ça n'allait pas être problématique. Et par contre, pour tout un tas d'autres salariés, c'est problématique, surtout quand ça se prolonge, évidemment. Et donc, cette caisse de grève, elle a très vite grossi. Il y a pas mal de gens du quartier qui ont été intéressés, par l'idée. Et puis, il y a eu... Il y avait pas mal de gens autour de, qui venaient à la conquête, qui soutenaient, qui n'est pas forcément militant, ou en tout cas, va savoir. Mais en tout cas, ouais, pas mal de gens ont soutenu la grève. Qui soit ou pas en grève, c'est ce qu'on a ressenti, non, en général, qu'il y avait vraiment un élan populaire de dire ouais, il y a basta un peu, enfin par rapport à bah, toutes les crises qu'on est en train de vivre, tous les abus un peu des, ouais, on a aussi pas mal de profs qui dans notre quartier qui donc eux aussi sont ouais. en grève, ce qui fait que du coup tu as aussi une sorte de solidarité entre grévistes, puisque du coup ça se ressent énormément au niveau de la RATP, de la SNCF, parce que on voyait pour se déplacer, voilà, on est contraint, donc on se rend compte de la grève. Mais après, si on est proche des écoles, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre d'écoles qui sont plus ou moins en grève. Mm-hmm. Donc à Montreuil, par exemple, il y a le collège Jean Moulin qui est complètement fermé, déjà depuis qui a fermé plusieurs jours en tous les cas. Donc il y a une mobilisation des gens du quartier aussi parce qu'ils sont grévistes et aussi parce qu'ils sont solidaires et parce que à Montreuil de manière générale il y a une grosse mobilisation avec Bagnolet, la mobilisation de collectif avec la création d'un collectif interprofessionnel avec des échanges justement pas seulement fermés prof d'un côté ou gilets jaunes de l'autre. Et enfin, RATP, donc il y a très rapidement eu cette dynamique de convergence. Déjà, il y a un bon réseau à la base, mais ouais, ça s'est amplifié là. Enfin, ça s'est tissé davantage autour de la grève, quoi. Ouais. Donc voilà, du coup, on a ce premier jour été mobilisé, content de voir en fait qu'on était aussi un point de connexion possible, et donc ça c'était aussi. Important. En plus, à Montreuil, il y avait à ce moment-là, au tout début, il n'y avait pas de caisse de grève vraiment à proprement dit. Enfin, en tout cas, nous, on a pris l'initiative parce que ça nous arrive régulièrement de faire des caisses de soutien, de solidarité. Et c'est vrai que c'était pour ceux qui ne savaient pas trop comment appuyer ou quoi, c'était aussi un moyen en fait, de pouvoir participer à tout ça et en s'approchant à la conquête et voilà, en dépensant. Souvent des billets ou leur monnaie, enfin en achetant, on avait aussi proposé des pains, enfin on vendait des pains qu'on vend d'habitude quoi pendant la semaine précédente le 5 décembre qui était totalement destiné à la caisse de grève. Le pain c'est tout. Ouais et donc là aussi enfin on s'est bien rendu compte comme le pain partait plus vite que d'habitude quoi, en fait ce pain là en tout cas. Oui, les gens demandaient le pain, c'est tout, sans même savoir qui c'était ce pain. Mais puisqu'ils comprenaient que ce pain-là, c'était celui qui allait à la caisse de grève, ils l'ont acheté justement pour ça. Oui, ouais, carrément. Pour se solidariser. Ouais. Et donc, il y a autour de la conquête, bon, c'est clair, c'est pas le noyau en soi, c'est rien de tout ça. Hein, mais c'est vrai qu'il y a eu quelques initiatives de prise qui a attrait ceux qui étaient ou en train de se bouger ou dans l'envie de participer et d'appuyer quoi. Ouais, du coup nous aussi on était aussi contents de pouvoir faire ça parce qu'on a vu que ça justement ça réveillait pas mal d'initiatives puisque du coup justement il y a eu au fur et à mesure des jours là je sais plus à quel moment là une initiative qui a été prise par un mec dans un collège de pouvoir faire justement des caisses de grève pour pouvoir déposer ces caisses de grève dans différents commerces et lieux justement un peu pour rebondir sur cette première caisse de grève qu'on avait faite à la conquête la pertinence du coup de pouvoir peut-être avoir d'autres caisses de grève. Ouais. Depuis le comité de mobilisation Montreuil-Bagnolet ça a répercuté à ce niveau-là. Et ouais, maintenant, les caisses de grève, elles ont été semées un peu partout, en tout cas dans le coin de Montreuil et Bagnolet. Ouais. Donc, a priori, les caisses de grève, c'est fait pour soutenir des salariés en grève. Principalement, ouais. Après t'as la com. Après, donc, justement, nous, on a eu une première... un premier pot qu'on a, nous, décidé, parce qu'au tout début, on ne savait un peu pas trop comment s'y prendre, puisque justement, il n'y avait pas eu d'autres caisses de grève. En même temps, on voyait que l'argent arrivait. On s'est dit, on ne va pas le laisser s'accumuler, parce que quand on est en train de se lancer dans une lutte, il faut peut-être pouvoir avoir les moyens et voir qu'il y a du soutien. Donc, dans un premier temps, on s'est orienté vers des collectifs migrants. En fait, ouais, il y avait ça. Enfin, on ne savait pas trop parce qu'il n'y avait pas trop d'autres crises de grève. Et aussi parce que nous, à la conquête, on est un peu tête dans le fournil. Et c'est un peu notre tare, peut-être. Mais voilà, donc on n'avait pas encore de lien aussi assez, enfin, de lien important avec tout le comité de mobilisation Montreuil-Bagnolet et d'autres grévistes, en fait. Donc, sans savoir vraiment où est-ce qu'on pourrait le foutre, en fait, cet argent. Et en même temps, avec... L'idée qu'il y avait les plus précaires des précaires, ouais. C'était les sympas quand même, donc ceux qui allaient avoir le plus besoin. Pour ceux qui constituent la conquête du pain, chacun un peu son réseau et tout, et puis apporte ses propositions. Et c'est clair que le côté des plus précaires, ça faisait écho, quoi. C'était, il n'y a pas de syndicat, ou alors s'il y en a, c'est sporadique, c'est de temps en temps, Et on savait de luttes qui durent depuis des mois maintenant, les grèves de Chronopost de Poste. et Accor, des hôtels Accor, là, Ibis au Batignolles. Ouais, au Batignolles et Chronopost d'Alfortville. Ouais. Donc là, il faut le foutre quelque part. Qu'est-ce qu'on fait? On distribue aux copains là-bas. Et en fait, ce qu'on voulait, c'était aussi le 5 décembre, en ouvrant de toutes les façons la conquête du pain, interpeller. Enfin, on avait appelé tout le monde un peu à, avant la manif, passer par ici, et puis on essaye de voir un peu ce qu'on fait de cet argent, que vous clients solidaires à la conquête de pain, entourant la conquête du pain, et donateurs en fait dans cette caisse de grève, que vous décidiez aussi, qui vous voulez vraiment aider dans tous ces mouvements, quoi, dans tout ce mouvement, de mouvement avec un S, quoi, peut-être. Ça n'avait peut-être pas été très bien communiqué. Et puis après, il y a un peu... C'est le temps aussi. Il faut que le temps que cheminent les idées, les informations, que nous, on ait le temps d'avoir les retours, qu'on prenne en compte les retours. Donc finalement, on avait aussi... Oui, en même temps, je crois qu'on avait surtout envie de... Vu qu'on avait fait une semaine de caisse de grève, on trouvait que 500 euros, c'était déjà pas mal aussi. On s'était dit, elle continue à grossir. On s'est dit, les prochains euros, on les destinera à quelqu'un, à quelque chose, à quelque part, de façon plus ciblée, en concret. Pour le moment, débarrassons-nous de cette première caisse pour pouvoir aussi être efficace. On avait aussi envie d'être peut-être efficient en disant, si on le donne maintenant, on a l'impression que cette caisse, elle sert à quelque chose tout de suite maintenant. Pas repousser parce qu'on sait jamais non plus comment vont tourner les mouvements, ça peut aller très vite. Ça sert à rien de couver l'argent, comme tu dis, il y en avait assez pour pouvoir fallait le dispatcher là et puis montrer aux gens que on faisait quelque chose de cet argent. Donc à la conquête du pain, une fois que l'argent a été déposé, en tout cas à ces différents acteurs, on a informé les clients dans la boutique, on a fait transparence, quoi. On a dit là, on vous avait les reçus de l'argent, où est-ce qu'on l'a déplacé. Et en général, les échos, quand on nous demandait ça va où et tout, ce qu'on a déjà fait pour le moment, c'était ça. Et donc, c'était assez bien perçu, quoi. Les gens étaient... Il n'y a personne qui n'a pas été d'accord à ce qu'on ait appuyé ces personnes-là, quoi. En tout cas, ça, ouais. Et donc le 5 décembre, en fait, on s'est retrouvés surtout entre nous. Vicky parlait des sandwichs aussi tout à l'heure, des sandwichs qui ont été faits, qui ont été distribués à la manif du 5 décembre. Il faut dire aussi, ça a été quelque chose qui, à travers le Facebook de la conquête du pain, une déconnade entre des proches de la conquête et puis un collègue, quoi. Qui disait on pourrait faire des sandwichs là pour alimenter la caisse de grève et tout, mais en mode déconnade au début, et puis le copain il les a un peu pris au sérieux, il les a un peu poussés en disant si vous voulez vas-y venez, la conquête elle est ouverte, nous on est chaud pour collaborer et partager, mais vous vous en chargez, nous on vous fait le pain et vous vous chargez du reste, quoi. Et puis c'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est ça qu'on aime bien aussi à la conquête du pain, c'est que vu que nous on est un peu tête dans le fournil et tout, des fois on nous demande du pain, pas mal d'assos pour les aider et tout. Et on est content de pouvoir aider, mais en même temps on a des fois l'impression que ça va que dans un sens. Et puis on se dit, on aimerait bien aussi avoir quelque chose, un tissu, quoi, pas se sentir seul non plus, quoi. On a l'impression que on fait que donner du pain, et c'est clairement pas ça, mais voilà, c'est une impression qu'on a. Et là, donc, d'avoir ces personnes là qui venaient ou qui demandaient, moi j'aimerais bien me rendre utile, apparemment vous faites grève le 5, qu'est-ce que je pourrais faire, viens faire du pain avec nous, là il y en a qu'un qui va galérer toute la nuit, ça démarre, en plus ça lui vient bien, pareil là samedi dernier il y a des grévistes là du comité de mobilisation, Voilà, ça on aime bien, quoi, quand y a un corps qui se fait, quand y a de l'échange humain, enfin du partage, et que tout le monde est là, la main à la patte, et clairement. Et voilà. Et on continue la petite aventure de la grève, de la conquête du pain en grève. On fait une petite pause musicale. Conciencia por los suelos, a tantos años la historia comienza a ser memoria. Mientras el pueblo observa indiferente que en todos lados matan a su gente, y tú bailando aquí en esta ocasión, dime qué haces para salvar a la nación. Para salvar a la nación, para salvarla de tanta humillación, para salvarla de tanto. Solo una el corazón voy yo, tantas historias que se han contado, de todas no se enteró, no, al otro día no se habló nada, todo el mundo cayó, voy yo, pistola en mano y una metralla, y aquí nada pasó, oh no, nada pasó, aquí nada pasó. El cielo se sacudió, voy yo, y ahora él vive feliz en una estrella donde no hay represión, pero no, no, pobre de él, pobre de ella. El cielo se sacudió, voy yo, y ahora él vive feliz en una estrella donde no hay represión. Mamita, dame el sabor del rococó para aliviar a la nación del malvado Babilonia y del malvado Babilón, Babilón, Babilón, Babilón, Babilón, yeah, yeah. No le importó, pero no, no. Cuando en el alma se trae la lucha, como él le sucedió, voy, voy, voy. No importa que cortes que al tuyo, si aquí nada, nada pasó. Aquí nada pasó. Pobre de él, pobre de ella. La bala lo separó, voy, voy. Y ahora vive feliz en una estrella donde no hay represión, pero no, no, no, no, pobre de él, pobre de ella. El cielo se sacudió, voy yo, y ahora él vive feliz en una estrella donde no hay represión, no. Ay, donde no hay represión, no, no. Oh, donde no hay represión, no, no. Oh, donde no hay represión, no, no. Así es, y esta noche llena de música, yo quiero presentar a otra leyenda. 106.3 FPP, la jungle des luttes. Alors, ouais, on est en direct jusqu'à 20h30. Donc, on vous parlait là, de la conquête du pain qui est située à Montreuil, donc au 47 rue de la Beaune, angle avec rue Jules Ferry. Boulangerie bio autogérée. Donc, c'est aussi pour ça qu'on peut se permettre toutes ces initiatives, puisqu'on n'a pas trop présenté la conquête, on est rentré direct dans le vif du sujet, etc. Mais donc, autogéré, on peut dire qu'il n'y a au moins pas de patron. Ouais. Après, bah, du coup, on est aussi une coopérative. Donc, SCOP, ouais, Société Coopérative. Donc, du coup, bah voilà, après, on n'est pas tous coopérateurs. Certains salariés sont parmi nous, mais donc l'autogestion, enfin le caractère autogéré, c'est entre les salariés, ceux qui bossent. Qu'on soit coopérateur ou pas, on n'a pas plus ou moins de voix et de place dans nos assemblées, nos réunions qu'on a tous les 15 jours. Donc là, justement, dernièrement, on a un petit peu de laisser aller, on a un petit peu de mal à s'organiser, à gérer. Mais bon, c'est des temps importants de rencontres où on discute justement de ce qu'on va faire, de ce qu'on va pas faire, de ce qu'on peut pas faire, de ce qu'on voudrait trouver faire, des de ce accords, qu'il nous reste à faire. De, de chacun aussi. Enfin, tout le monde n'est pas forcément militant, enfin, ou avec les mêmes visions, les mêmes idéaux, les mêmes. Donc, c'est savoir comment on accorde aussi un peu avec tout ça, quoi, en fait. Enfin, les attentes qu'on peut avoir les uns les autres. Les préoccupations. Donc là, on peut dire que bah, on a pas mal de difficultés, hein, c'est compliqué, mais bon, de toute façon, c'est bon. Mais c'est ça le défi, quoi. C'est ça qui fait avancer. Quoi, voilà, en fait. Et puis c'est en même temps un espace où bah, on s'engueule, mais on s'apprécie aussi. On partage tout le bon moment. On partage des bons moments, parfois aussi en dehors de la conquête. Ça fait du bien de se voir en dehors du boulot. Et on est aussi dans un lien fort avec les clients, justement, tout à l'heure on l'évoquait, dans une relation d'échange vraiment où ils peuvent compter sur nous et on peut compter sur eux aussi. Tout du moins, enfin, nous à la boutique, quoi. Enfin, parce que ouais, les gars au fournil et tout, ils sont plutôt dans une grotte où eux, ils n'ont pas forcément cette perspective-là aussi. Et donc, bah ouais, enfin, ça, il faut qu'on leur échange, enfin, il faut qu'on leur partage. Et. Mais du coup, je pense que c'est ça qui est aussi important pour nous parce que du coup, on se sent aussi soutenu par les clients qui peuvent parfois nous fixer une planche avec, enfin une étagère avec une planche qu'il a récupérée chez lui ou nous plaquer ou nous fixer des ardoises sur le mur. Et puis, bah ouais, comme. On peut aussi, des fois, passer du temps à discuter avec eux, faire salon, s'installer avec un café, refaire le monde ou pas, ou se faire récupérer du café avec un client qui prend sa bagnole et qui t'emmène récupérer du café parce qu'on a une grosse cargaison à récupérer. Donc voilà, c'est des échanges qu'on a avec les clients. Et c'est ça qui est important aussi pour nous, sinon ce serait qu'une relation marchande. Et donc ça, c'est important aussi pour nous de faire du pain de la meilleure qualité qui soit possible, de le vendre dans les meilleures conditions possibles pour les uns et pour les autres. Et du coup, on peut aussi se permettre justement de faire une caisse de grève, de leur dire que oui, on est fermé, il n'y a pas de pain. Au dernier moment, là, puisque jusqu'à samedi, on n'avait pas vraiment décidé qu'on ferait grève, on n'avait pas eu le temps d'en discuter véritablement. Mais donc voilà, je pense que c'est des choses qui vont finalement se comprendre parce que justement on le disait tout à l'heure c'est quand même assez militant et donc voilà c'est tout ce travail d'autogestion c'est né libertaire quoi c'est né enfin les fondateurs en tout cas faisaient partie de la fédération anarchiste de Scalp et tout ça enfin donc ouais c'est à la base les valeurs de la conquête du pain et ce pourquoi elle a été créée c'est pour cette dimension alternative pour cette dimension libertaire pour enfin pour le défi enfin de pas de patron horizontalité consensus les machines aux employés enfin tout le monde on est tous sur la même base de salaire horaire enfin donc ouais c'est essayer de mettre d'être cohérent quoi et de tout en partant de quelque chose ouais qui est une institution une scope quoi et donc c'est pas simple mais franchement c'est plein d'apprentissage moi j'y suis personnellement depuis un an et c'est énormément d'apprentissage et puis on a aussi l'occasion d'accueillir pas mal de gens qui sont en stage et qui du coup peuvent aussi partager avec nous ces expériences, nous faire découvrir aussi d'autres choses, eux, parce que chacun en est justement très, très différent. On essaye d'aider pas mal de mômes un peu aussi en galère ou des personnes qui passent, par exemple, leur diplôme de façon indépendante. Donc, on essaye aussi d'être ouvert à toutes les différentes dimensions. De pouvoir appuyer quand on peut. Souvent, on a des personnes qui nous demandent ou pour les papiers ou pour un contrat ou je ne sais quoi. Bon. Donc, on essaye d'appuyer quand il y a aussi un intérêt pour nous, quoi, un minimum. Forcément, je veux dire qu'on a l'espace pour ça, pour recevoir, qu'on a l'espace, pas forcément en temps de travail ou quoi, mais aussi en mental et en équilibre, quoi. De pouvoir accompagner les gens et s'entraider quoi en général ouais c'est la pub mutuelle c'est la conquête du pain c'est Kropotkin c'est Et du coup, avec cette mobilisation autour, pas seulement donc des retraites, comme on le disait, mais en tous les cas, se manifester contre ce gouvernement, ce monde, ce système, voilà, ça paraissait évident de se mobiliser, de trouver... Bon, après, voilà, ça a été de comment, quelle forme ça prend. Une fois qu'on avait fait cette journée de grève, les autres jours, on a réouvert notre boutique, comme d'habitude, en maintenant cette... caisse de grève, comme on le disait, en essayant aussi d'être de plus en plus en lien avec l'Interpro qui, justement, Montreuil, Bagnolet, commençait à bien tourner, bien fonctionner. Donc, ils ont bloqué les dépôts de bus. Dépôts, ouais. Donc, voilà, du coup, il y a des retours de ceux qu'on bloqué qui viennent. Les entrées là, de métro. Voilà, donc on a, ce jour-là, on a proposé, on a donné de quoi faire un petit déj. Puisqu'il y a une AG le matin devant la mairie de Montreuil en général. Donc il y a des lieux comme ça où on peut aussi, pour ceux qui sont dans le coin de Montreuil, Bagnolet, bah, la moyenne de se... Voilà, même si on n'est pas salarié, même si on n'est pas en grève, mais qu'on a envie de se mobiliser, on de peut... Soutenir, ouais, à 6h30 à la mairie de Bagnolet, de Montreuil, sur la place de la mairie de Montreuil. Après, il y a les Gilets jaunes aussi qui sont là tous les soirs. À 17h30. De 17h30 à 19h30, ouais. Alors bon, on leur a niqué leur cabane sur le Croix de Chavaux, là, sur le carrefour de Croix de Chavaux. Il y a déjà un petit bout de temps. Il y a un petit bout de temps, ouais, mais ils ont toujours été à la recherche de quelque chose. Et ils restent mobilisés. Et là, maintenant, bon, ben, pour ce temps de grève, tout du moins, ils sont là. Vous pouvez les retrouver sur l'Interpro, ouais. Sur la place de la mairie de Montreuil. C'est ça, et ils font partie, eux aussi, de cet interprofessionnel, ouais. Du coup. Il y a moyen de pouvoir, ou le matin, ou le soir, à un moment ou à un autre, de vous rapprocher. Ouais. Après, s'il y a des leftos à 4h30 aussi à la mairie de Bagnolet. Enfin, ouais, non, après des points, il y en a tout le temps, partout, toute la journée. Les gars, ils ne sont pas là chez eux en train de roupiller, quoi. Enfin, et profiter de qu'il n'y a pas de travail, quoi. Non, non, ça charbonne dur, apparemment. Et donc, voilà, du coup, on s'est retrouvés à se demander comment on allait poursuivre, puisque du coup, la caisse de grève, elle se remplit. Donc après, il y a une initiative, il y a eu l'idée possible de donc mutualiser toutes ces fameuses caisses de grève, comme vous le disiez, qu'il y a eu l'initiative de déposer plusieurs caisses de grève dans différents endroits. Donc l'idée, c'est de pouvoir mutualiser cette caisse de grève. Il y avait la proposition qu'éventuellement, nous, la Conquête du Pain, on centralise cette caisse. Donc après, du coup, tout ça, il faut voir encore comment ça va pouvoir se gérer jusqu'au bout et se décider. Mais donc, du coup, ça trépigne un peu en se disant comment on fait. Puis c'est surtout que quand tu es en train de bosser, de faire du pain, tu ne peux pas te mobiliser véritablement, aller aux manifs et être présent sur le terrain. Et avoir être sur les piquets. Être à l'écoute, quoi. Enfin, avoir une présence d'esprit. Enfin, nous, on était là sur les événements de Noël, quoi. Enfin, sur l'organisation, la logistique Noël. Enfin, en boulangerie, c'est un truc assez hard, quoi. Enfin, en tout cas, les fêtes en soi, quoi. Donc, on mange du pain en France, hein. On mange du pain et pas qu'à peu, hein. Et surtout pendant les périodes de fête. Donc pour nous, ouais, on était un peu là, tête dans le charbon aussi. Et puis, du bruit dehors, des mouvements à tout va. Et puis, ça pose des questions. Ouais. On ronronnait tranquille, disons, dans la boutique. Ça ronronnait tranquille. Voilà. Et après, c'est vrai qu'il faut passer après peut-être la vitesse supérieure à un moment où ça s'accélère aussi. Parce que du coup, ça se densifie, la lutte se densifie. Et comment se rendre utile là-dedans, quoi. Donc, on a eu un petit peu de mal à se caler, à être tous ensemble, puisqu'on a du mal à être tous ensemble, puisqu'il y en a qui travaillent la nuit, les autres le jour, certains le samedi, les autres pas le lundi, jamais personne le dimanche, ou car rarement, maintenant, récemment. Et donc, voilà, on a eu du mal, mais finalement, donc aujourd'hui, on s'est calé sur... on a un petit plan d'action à venir. Donc, du coup, à essayer de pouvoir appuyer au max, d'être là parmi tout le monde, quoi, en fait. Après, à un niveau local, hein, forcément, pas tout le monde dans la France, enfin, si, de cœur, mais... mais dans les faits, ouais, c'est pouvoir se rendre utile, ouais, pouvoir apporter et à ce que les objectifs soient accomplis, quoi, que le gouvernement activement en tant que personne, même si je pense que du coup, depuis la boulangerie, c'est important de pouvoir s'activer, mais tu peux pas du coup justement ouvrir la boulangerie, avoir du pain, même si c'est un espace qui est justement important parce que c'est un espace de rencontre, un espace qui a mobilisé justement cette fameuse première caisse de grève, que si on la centralise, bah, peut-être que du coup, il y a un moment où il faut rester ouvert et accessible. Il faut pouvoir aussi avoir des espaces de discussion parfois. La conquête, ça peut être aussi un espace de rencontre et de discussion, bien qu'il y ait déjà plein de grèves, mais il y a parfois des commissions, comme l'autre fois, qui se sont réunies chez nous, parce que voilà, tu as des grands groupes, puis après, il y a des commissions qui se forment. Donc, c'est important de pouvoir justement, des fois, trouver des lieux, des espaces tranquilles, à l'abri, voilà, au chaud. Donc, voilà, du coup, la conquête, ça peut aussi servir de lieu de rencontre. Et puis, laisser du temps, justement, avec ce service minimum qu'on va réussir à faire, là, par exemple, demain, en faisant un peu comme la première fois, donc un petit peu de pain. Et puis, pour les personnes du quartier qui ont besoin de pain. Et puis, apporter des forces, quoi. Ouais. Et puis, également, faire des sandwichs. Ouais, pour, comme la dernière fois, le 5, quand on avait proposé, justement, d'apporter des sandwichs avant la manif. Donc, du coup, une manière de pouvoir remplir les fonds de caisse et puis de ne pas partir le ventre vide à la manif. Ouais. Apporter un peu de café aussi, enfin, ouais, se réchauffer, enfin, pouvoir apporter un peu des forces et du soutien et de la présence, quoi, enfin, et de l'accompagnement. Et nous aussi, être un peu à l'écoute de ce qui se passe, quoi. Donc, du coup, voilà, ceux qui sont sur le quartier, donc a priori, on va rediscuter de comment on prolonge ou pas cette grève. Ouais, à voir. Bah là, pour le moment, demain, c'est clair. On est en grève. Probablement mercredi. Après, voilà, il y a toujours ces... Enfin, l'idée, c'est pas non plus de couler la boîte, forcément. Enfin, on n'a pas vraiment pas envie de ça. Donc, c'est aussi pouvoir s'assurer, nous aussi. Parce que c'est pas qu'à travers ces actions, comme on le disait, qu'on agit, quoi. Enfin, c'est aussi tous les jours et toute l'année. Et on essaye, et au mieux qu'on peut. Après, pas parfait tout le temps, mais bon. Voilà. Et puis aussi des craintes, forcément, au niveau des salaires. Enfin, tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Et voilà, pouvoir pallier entre les deux, quoi. Enfin, on va voir. Mais on est suffisamment et on est assez soudés. Pour trouver des solutions, pour se complémenter, pour s'appuyer les uns et les autres. Et ça, là-dessus, il n'y a pas de bille à se faire, quoi. Donc, on va faire une petite pause musicale. Techo, tierra, pan, educación, salud, libertad, mujer. Thank you. llorando en la selva, como rebelde trinchera. El indio sigue labrando la tierra, como un feroz guerrero, defendiendo la sierra. Zapata vive y sigue en pie de guerra, solo un puñado de hombres, dispuestos a morirse, por continuar la revolución. Mientras que no se ha solucionado las cosas, mientras que existe el hambre, la miseria, las enfermedades y toda clase de injusticia, no vamos a comprometer a entregar las armas. La jungle des luttes, comité, donc émission présentée par le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. J'en profite donc pour vous rappeler que vous pouvez nous retrouver à 20h30 tous les premiers, troisième, cinquième mercredi du mois dans les locaux de la CNT, 33 rue des Vignoles, métro Avron. Et donc, on est une assemblée ouverte où vous pouvez venir partager, questionner ce qui se passe avec les apatistes au Mexique et pas que. Il y a évidemment les indigènes, la sexta nationale, internationale. Donc en général, on partage autour de ces initiatives lancées à l'appel par les apatistes, mais aussi toutes les luttes et les mouvements ou les campagnes lancées par les différentes communautés, villes ou collectifs au Chiapas ou réseaux de résistance. Et donc, on partage tout ça. On est très contents aussi quand il y a des gens qui viennent nous apporter leur expérience ou des luttes ou des engagements, pas seulement au Mexique, mais ailleurs. Toujours avec cette idée de plus on est en réseau, plus on apprend les uns des autres, plus on peut être solidaire et plus on peut être fort. Et donc, c'est aussi pour ça que pour être plus fort peut-être dans ce mouvement ou participer à donner de la force, à nous renforcer à nous aussi la conquête. On était, comme on le disait depuis le début de cette émission, en grève à nouveau demain, la conquête du pain, donc cette boulangerie bio autogérée à Montreuil. Et donc, vous êtes invités à venir nous voir quand vous le voulez. Donc là, dans ces jours prochains, on ne sait pas trop comment le volet sera ouvert à un moment ou un autre dans la matinée, c'est sûr. Et puis dans la journée, dans l'après-midi, après fin d'après-midi, au milieu d'après-midi, peut-être que entre les activités, les besoins de repos, etc. Par contre, samedi, on va être a priori ouvert normalement, de 8h à 14h. Au moins samedi, normalement. Donc de 8h à 14h. Et puis pour le reste, on ne sait pas encore comment ça va se passer. De manière générale, on est intéressé par les échanges. Donc vous pouvez, il y a Facebook, ça marche pas mal. Il y a pas mal de gens qui se connectent et qui ont des informations, qui nous renvoient des informations, qui sont au courant. Donc on vous invite à partager. Nous, à partager, à nous contacter, à se proposer aussi, enfin qui sait. Hein. Après, c'est clair, nous, on est au Turbin, enfin, on a... pour que ce projet-là il vive et puis il puisse servir enfin à tout ce qui sert là pour le moment et bien sûr enfin avec toutes ces tares et qu'il a à solutionner et tout bon on n'a pas tout le temps non plus, on est quand même pas mal sollicité et tout mais c'est clair qu'on reste ouvert, on reste au maximum à l'écoute avec les projets, enfin avec ce qui pourrait être proposé, échangé, etc. quoi. Et donc ceux qui peuvent pas se déplacer mais qui veulent soutenir notre caisse de grève, vous pouvez éventuellement envoyer des dons. Hein. Donc c'est 47 rue de la Beaune, 93 100 Montreuil. Donc la conquête du pain. Ouais, envoyer un message quand même, que ce soit par Face ou par. Oui, ou par un mot dans l'enveloppe quoi, pour expliquer si jamais vous avez des dons à faire. Ouais. C'est avec un petit mot, c'est toujours sympa quoi. Voilà, ouais. Et voilà, et donc demain au minimum on est fermé, mais voilà, on n'est pas fermé. Et sur nos lauriers, ça turbinera, le fournil il reste ouvert. Enfin, normalement tous les jours, on continue à servir. À faire du pain, enfin, ce qu'on peut faire, quoi. Et puis, parce que même en tant que grève, ça vient bien du pain, quoi, à qui que ce soit. Une petite base alimentaire importante. Ouais. C'est aussi l'importance du projet aussi, le fait que ce soit aussi une boulangerie, c'est aussi une grosse base. Uh-huh. Du coup, voilà, hein, une fois qu'on a un vélo, du pain et de l'eau, on peut tenir, quoi. On peut tenir, ouais. Un sandwich. Coup de rouge. Non mais en tous les cas voilà, on pédale, ça monte un peu pour venir chez nous, mais après ça redescend pour repartir. Puis arriver chez nous, il y a un petit café, il y a quelque chose quoi, il y a toujours quelque chose là pour soulager un peu quoi. Donc café Rebelles et Zapatistes, et donc j'en profite pour rebondir pour dire que donc justement on a vous le savez peut-être Échange solidaire, une association, on fonctionne par souscription. Donc c'est du café qu'on achète directement aux producteurs zapatistes, donc au Chiapas, Mexique. Et donc voilà, il n'y a pas d'intermédiaire, hormis les transporteurs qu'on est. Voilà, donc il y a les transporteurs évidemment qu'il faut payer, mais du coup, voilà, nous on fait un travail bénévole pour distribuer ce café. Et il y a moyen de pouvoir en trouver encore un petit peu à la conquête. Là, en général, nous, on fait c'est un lieu de distribution de ce café. Et donc, comme on fonctionne par souscription, il est encore temps, si vous le souhaitez, de souscrire, donc d'acheter en avance le café qui arrivera donc avec plusieurs mois d'attente, évidemment, puisque le café est à peine récolté en cette période, donc le temps de le sécher. Ensuite, tout un processus compliqué pour qu'il arrive enfin dans les bateaux, dans les containers, pour arriver ensuite au moins 3 semaines plus tard en Europe, puis ensuite chez un torréfacteur, et enfin dans nos tasses à café. Donc voilà, ça ramène à septembre tout ça. Mais en même temps, c'est comme ça qu'on fonctionne, puisqu'on paye 60% des producteurs au moment de la commande. Donc avant qu'ils récoltent, l'objectif, c'est avant qu'ils récoltent, puisque tous leurs frais vont venir. Et donc, il faut pouvoir leur donner les moyens qu'ils travaillent, et sans être sous la pression de l'argent et de la pression financière. Et donc, on paye, une fois que le café est arrivé, on paye les autres 40%. Donc, on a besoin de souscriptions, donc de gens qui achètent du café. Et donc, c'est 3,70 € le café à partir de cette année-là, 2020. Donc, c'est 3,70 € le paquet de 250 grammes. Donc, vous pouvez regarder sur Échange solidaire. Je pense qu'en tapant sur Échange solidaire, il y a moyen d'avoir un bon de souscription ou bien un lien pour pouvoir nous écrire et demander des informations. Et ben voilà, du coup, ça, c'est pour le café. On remercie ceux qui sont venus nous voir hier malgré la grève au marché solidaire, parce que du coup, finalement, on avait un peu peur d'être tout seul, que les gens ne se donnent pas de mal pour venir jusqu'au CICP. Et donc, finalement, il y avait du monde, c'était sympa. Donc, on a pu vendre un petit peu d'artisanat des femmes zapatistes ou du matériel de cuir, et puis donc du café, et puis échanger, passer un bon moment. Donc, merci à vous d'être passés, parce que je suis sûr qu'il y en a qui nous écoutent. On fait une petite pause musicale du jus. Ouais, ouais, ouais. C'est parti. Donc, bah voilà, on a fait un petit peu le tour sur ce qu'on voulait raconter sur la conquête. Après, en même temps, c'est une grande aventure, donc on aurait plein de choses encore à raconter. Plein de trucs à raconter, il faut venir, parce qu'on n'a pas parlé aussi des prix de crise qu'on fait. On n'a pas parlé de... à la conquête, ici, il se fait pas mal de trucs et c'est bien de passer. Enfin, ça fait toujours plaisir de pouvoir bavasser et d'échanger, quoi. Ça, c'est on a la baguette suspendue, donc justement, ceux qui connaissent peut-être, ça avait commencé en Italie avec le café suspendu. Et donc, du coup, nous, il y a eu, à la conquête, c'est le pain suspendu. Donc, les personnes achètent la baguette, le posent dans une panière et les personnes peuvent se servir quand elles sont dans le besoin. On espère que les gens n'abusent pas trop. Et en général, on identifie bien certaines personnes qui viennent régulièrement récupérer le pain. Et après, il y a donc, comme Julien le disait, ce tarif de crise qui donc permet aux personnes bénéficier d'un prix. C'est des personnes du troisième âge avec des retraites difficiles, des gens qui sont là sans taf pendant un moment donné, qui demandent. En général, c'est à l'initiative de la personne. Clairement. C'est-à-dire que du coup, on ne demande pas de papier. Si quelqu'un se sent de demander le tarif de crise parce qu'il est en crise financière, après, il y a des gens aussi, des fois, qui peuvent venir chez nous pour se réchauffer, boire un café. Donc, on les accueille aussi facilement. Et on a aussi, ce pain de récup, là, comme on le disait, où on donne pas mal de pain, du pain des invendus. Aux assauts, aux maraudes, à divers endroits. On fait aussi du pain régulièrement pour les Restos du Cœur. Ouais, aussi, ouais. Et pareil sont dans pour les campagnes de repas. Ouais, ça. Et puis, il y a eu pour XR, il y a eu pour, pas mal de monde du pain frais, ouais. Ouais, des petits combats au quotidien comme ça qui ne se voient pas trop dans la grosse machine qui écrase tout. Non. Donc, c'est vrai que ça pourrait être insignifiant, mais en même temps, chacun fait sa petite grain. Apporte son petit grain. Et à la conquête, ça s'exerce malgré la pression du travail, parce que faut tenir le truc et tout. y a quand même, ça s'exerce beaucoup à, justement, à pouvoir apporter. Pareil, il a montré quand les Barailles ils sont fait expulser. Enfin, bah, y a eu aussi son soutien, du café apporté tôt le matin. Enfin bon, donc et puis du pain apporté, bien sûr, le pain. Il faut pas qu'il manque. Donc, et puis comme on vous le disait, bon, bah, voilà, si on était au Chiapas, parce que bon, bah, Julien et moi, on connaît cette région, enfin, en plus de se connaître à la conquête, on s'est aussi connus au Chiapas. Et donc, bah, voilà, là-bas au Chiapas, ils sont en train de danser, hein. Bailate otro mundo. Et bah, voilà, c'est, bah, on aimerait bien être là-bas aussi. Hein, donc, bah, on va vous emmener avec nous là-bas à Bailate otro mundo. Donc, fini les blabla. Demain, on se retrouve à la conquête ou dans la rue. Et en attendant, bailate. Bailate, bailate. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouvera donc le troisième lundi du mois de janvier pour une nouvelle émission, une nouvelle année. Bon, bah, on espère être un peu plus actifs au comité de solidarité. On fêtera nos 25 ans, donc normalement, ça devrait nous motiver pour avoir la pêche de faire des émissions dynamiques. Parce que là, en ce moment, bon, bah, on rame, on n'est pas assez nombreux. Donc, ce n'est pas évident. Donc, désolé, des fois, on a dû faire des rediffusions parce que pas assez d'énergie pour, bah, pour tout gérer. Mais bah voilà, on espère bien que vous nous écoutez encore et toujours aussi sur notre blog, La Jungle des Luttes. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions. Ça commence à faire quand même depuis 2007. Hein. Donc voilà, il y a le blog La Jungle des Luttes. Et vous pouvez donc nous retrouver, je vous le rappelle, CSPCL au 33 rue des Vignoles, le 1er, 3e, 5e mercredi du mois. À Paris, dans les locaux de la CNT, assemblée ouverte. En anniversaire, là, 2020, donc il y a le CSPCL et puis il y a la conquête du pain. Les 10 ans de la conquête du pain. Du pain. Ouais. Donc normalement, voilà, il y a des gros événements, soyez attentifs. Merci à vous, passez une belle lutte. Merci à la FPP. Une belle nuit et puis la lucha sigue, sigue. Avanti, baila. Baila, baila. A querer apagar. con su fuerte soplido, pero nuestra luz se creció en otras luces. Sueña el rico con apagar nuestra pequeña luz primera. Es inútil, ya hay muchas luces y todas son primeras, y todas son primeras. La rebeldía que hoy tiene su rostro moreno y lengua verdadera, no se nació ahora. Antes hablo con otras lenguas y en otras tierras, en muchas montañas con mil historias ha caminado la rebeldía contra la injusticia siempre. Ya hablo en lengua náhuatl, ya hablo en lengua náhuatl. Singa o quinteco zapoteco, sol te cochatino, papa buco mixteco, cuica teco amusgo tequi, masa teco chocho, isca teco guave. Tlapaneco totunaca, tlapaneco totunaca. Tepe guapopoluca mije, soque huasteco mayalacandón, cholteltal, chotil, tojolabal, cholteltal, chotil, tojolabal. Yo ya aquí o patacora huichol, pure pecha y kikapu, pure pecha y kikapu. Aguacateco motosimpleco, chico museteco canjobal, jacalteco quiche cacchique, que chipima te peguan. Lo hizo también en Castilla y todos somos rebeldía. La huelga del magisterio tenía la plaza tomada, mientras el pinche gobierno preparaba la celada. Antes que amanezca el día, quitamos este plantón, gritaba la policía y empezó la represión. ¿Que de dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? Sonó la alerta en la calle por donde entró el regimiento, y atrás de la barricada se alborotó el campamento. Más tardaron en llegar que luego en salir corriendo, porque la gente en la plaza ya se estaba defendiendo. Salieron de todos lados con palos, gritos y piedras, y a toda la policía la mandaron a la mierda. Después vino el contraataque con fuerza de tierra y aire, con hasta que los maestros se quitaron con vinagre. ¿Que de dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿Y de dónde son? ¿Que de dónde son? Ande buena palomita, secundale a mi país, que la sangre de maíz rega su tierra bendita, que ya no entre dos camisas, ni engaño ni represión, que la de será justa si es que quieren solución, que se vayan los cobardes que no tienen dignidad, que se queden los que quieren cambiar esta sociedad, porque aquí no hay corazón que aguante más inmundicia, el pueblo exige justicia, el pueblo está en rebelión, el pueblo está en rebelión, el pueblo está en rebelión. ¿Que de dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿Y de dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿Y de dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿Y de dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? Acabó el gas y el valor, con la plaza enardecida, y las fuerzas del gobierno salieron en estampida. Topó con piedra el traidor que asalta de madrugada, porque hoy la gente en la calle ya lo espera en barricada. ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Son de la barricada? ¿De dónde? ¿De la barricada? ¿De dónde? ¿De la barricada? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De la barricada? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De la barricada? ¿De dónde? ¿De la barricada? ¿De dónde? ¿De la barricada? ¿De dónde? ¿De la barricada? caldo faceva, brigadiere rubò la finestra, una spinta in Pinelli laggiù. Quest'ore io le l'ho già detto, lo ripeto che sono innocente. Anarchia non vuol dire bombe, ma uguaglianza nella libertà. Lunghe storie confessa Pinelli, il tuo amico Valpreda ha parlato, che l'autore di questo tentato ed il complice cervo sei tu. Impossibile, grida Pinelli, un compagno non può averlo fatto, e l'autore di questo delitto fra i padroni bisogna cercare. Stai attento, indiziato Pinelli, questa stanza è già piena di fumo. Se tu insisti, apriamo una finestra, quattro piani su muri da sera Milano era caldo, ma che caldo faceva, brigadiere rubò la finestra, una spinta e Pinelli va giù. 106.3 FPP, vous êtes toujours avec la jungle des luttes, petit moment de musique, Bailate Otro Mundo, voilà un petit clin d'œil au compas là-bas, au Chiapas. Donc n'oubliez pas de soutenir la lutte, de vous mobiliser si vous le pouvez, comme vous le pouvez. Merci à la Conquête du Pain d'être là aujourd'hui avec nous. Et Conquête du Pain à Montreuil, 47 rue de la Beaune, en grève demain et à suivre. Merci à vous et on se retrouve en janvier. Yes, yes, we done it. Today, just like yesterday, the time has passed, and tomorrow is a mystery. In this world, life is a tragedy. Sometimes you win, always you lose. He walks alone on his way, trying hard to take his chances, always on his guard. Sharp as a tack, he's a hardworking man. He doesn't want to waste his time again. Yes, we tell you what I want. In this land. Yes, we tell you what I want. In this land, over the front line, work on and bear the sacrifice. Right or wrong, ain't no paradise. One and only in a safe world. Life goes on even it's going down. Yeah. Today, just like yesterday, the time has passed, and tomorrow is a mystery. Life is a tragedy. Sometimes you win, always you lose. Bye.